quand je vous dis que l'homme aujourd'hui est au début de l'évolution de l'intelligence, comme l'homme a été il y a 12 000 ans au début de l'évolution du mental inférieur, c'est pas de la petite crise de niaiserie. On est des vrais yo-yo. Et c'est difficile pour nous autres de réaliser ça parce qu'on a un concept finalitaire de l'intelligence. On a une notion psychologique de l'intelligence. On a une notion philosophique et psychologique de l'intelligence. L'intelligence n'a rien à faire avec la philosophie, la psychologie et la métaphysique ou la connaissance. Rien à faire avec ça. Fait qu'on a du chemin à faire avant de comprendre ça. Quand je vous dis qu'un jour vous réaliserez que la centricité de votre être, là aujourd'hui où votre être se centre dans une dimension mentale et émotionnelle qui est suffisamment basse en vibration pour vous donner l'impression d'avoir un moi, un ego, un moi, une personnalité subjective. Un jour, ce centre de gravité-là sera totalement déplacé. Totalement déplacé, vous serez même plus capable d'avoir la notion d'être quelque chose, d'avoir appartenance émotive ou mentale à des structures psychologiques ou des structures de mémoire qui font partie de votre être-té planétaire. Vous n'aurez plus, ça va tout être sauté par l'action du double contre votre émotion et votre mental. D'où lui naît pour créer une nouvelle catalyse, une nouvelle synthèse qui est sur vous. Le processus d'évolution de l'humanité, c'est pas un processus d'évolution qui est parallèle à l'évolution de la philosophie ésotérique de l'humanité. Ce que l'homme pense ésotériquement et ce que la vie est, c'est un autre paire de manches. On pense, nous autres, que l'évolution, la courbe philosophique, ésotérique, occulte, hermétique de l'humanité convient à l'évolution biologique, biomental, biopsychique de l'homme. On a le doigt dans l'œil, puis l'autre dans l'autre œil. Le processus d'évolution, c'est un processus d'organisation de la matière. C'est pas un processus de restructuration psychologique des formes anciennes de l'humanité pour se donner, nous autres, en tant qu'égo, une valeur spirituelle ou une valeur philosophique ou une valeur psychologique qui flatte encore notre égo. Moi, je vous le dis parce que je le sais. Un jour, vous le saurez. Mais pas parce que je vous le redis. Quand je vous dis que l'intelligence, ça n'a pas de fin, j'en suis un petit maillon de cette expérience-là. Un petit maillon. Un ben petit maudit maillon. Mais il faut que l'homme soit renforcé dans le mental et dans l'émotionnel pour vivre cette intelligence-là. Sans son capote. Mais comme ça fait partie du processus de vie, on n'a pas à s'inquiéter. Mais il faut voir clair. C'est pas pour rien que ça nous est expliqué de fond en comble. Dans le phénomène, dans l'expérience de pénétration de cette très haute vibration-là, qui est celle du double, il est évident que les basses vibrations du mental et de l'émotionnel vont être altérées. D'où la souffrance, le choc, whatever. Mais on a une maudite habitude, les hommes. C'est qu'on a l'habitude de paniquer aussitôt qu'on commence à toucher du doigt ce qui ne vient pas et qui n'appartient pas à l'ego. Ce qui n'est pas de l'ego, aussitôt que ça sort de la caricature de la personnalité planétaire, on panique. Et il est là, le choix. C'est pas Bernard de Montréal qui va faire le choix, ou d'autres initiés sa planète qui vont faire le choix. Ou le Christ, comme il y en a qui parlent. Le choix, il est directement proportionnel à la capacité de l'homme de vivre la distillation, de vivre la pénétration sur le plan mental et sur le plan émotionnel de cette énergie qui lui permet de construire son propre dôme. Donc, chaque homme est maître de sa propre construction future. Quand on a des idées, il y en a qui ont des idées. Ils veulent faire quelque chose dans un certain temps, dans quelques années. Puis il y a des interférences, puis encore des interférences. Puis quand il y a des interférences, on panique. Puis c'est pas parce qu'on panique que les interférences vont arrêter. Parce que la vibration qu'on a de faire quelque chose tout à l'heure, demain, d'une certaine façon, cette vibration-là est là, elle fait partie de notre conscience. C'est à nous autres d'être suffisamment conscients ou suffisamment compréhensifs de ce qui nous a été expliqué pour prendre du recul puis s'asseoir. On ne peut pas forcer la situation. Il y en a une ici, comment est-ce que ça s'appelle? Jeannette. Qui souffre de créativité depuis des années, ça y sort par les oreilles. Créativité, pas me faire quelque chose, pas me faire quelque chose. Faut que t'attends! Là, ça commence. Là, ça commence. Il y a un travail qui a été fait, là, ça commence. Puis c'est de même que ça marche. Mettez-les-vous des dons dans la tête une fois pour toutes. Tant que vous êtes capable de fonctionner avec votre ego, mais allez-y full speed! Mais quand vous serez plus capable de fonctionner parce que vous aurez l'imprimatur de cette énergie derrière votre ego qui vous aura bloqué le passage à votre créativité, bien attendez, vous ne pouvez pas faire autrement. Au lieu de vous battre avec vous-même, puis faire des projets qui m'affrontent pas, ou vous allez perdre. Attendez. Les gens sont pas capables d'attendre. T'es obligé de regarder un film avec des Indiens, comme je regardais il y a 2-3 jours, là. Là, le vieux Indien dit, faut que la tribu apprenne à attendre. Les Indiens savent, ça. Les autres, ils ont trop attendu. Puis on ne comprend pas le processus d'attente. On ne comprend pas parce qu'on n'est pas capable de réaliser que notre vie future est déjà toute planifiée d'avance. Est toute là. On peut y arriver de même. Est toute là. Il y a un temps. Surtout les gens qui se sentent vibratoirement créatifs, c'est eux autres, il faut qu'ils watchent. Si vous ne vous sentez pas vibratoirement créatif, que vous êtes simplement psychologiquement créatif, là, c'est une paix de mort. C'est psychologiquement créatif, tu es dans ton propre timing planétaire quand tu es psychologiquement créatif. Ça, c'est ta propre bébelle à toi, c'est pas le double. Ça, c'est ton mental, ton astral, tout de suite. Mais quand c'est vibratoirement créatif, vous avancerez pas d'une minute le cadran. Parce que quand l'homme commence à vivre l'énergie de la fusion, sa vie au niveau du moi, elle est déplacée, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Et plus la fusion devient forte, moins elle existe. Et le double s'organise pour que ça s'imprime, ça, dans l'homme. Cette condition universelle, cosmique, ou appelez ça comme vous voulez. Parce que c'est là que le double, éventuellement, peut canaliser de l'énergie sur le plan matériel qui devient pour l'homme de la créativité, mais qui coïncide avec les lois de la vie au lieu de coïncider avec les lois de la destruction qu'on connaît à la fin de notre civilisation. ceux qui vivent des périodes creuses. Il y a 80% du matériel de vie dans votre période creuse que vous vivez parce que vous n'avez pas compris certaines choses. Et vous n'avez pas la faculté d'aller le chercher. Mais pourtant, vous le savez quelque part. Mais vous n'êtes pas capable de faire la superimposition de ce que vous savez quelque part. Puis la façon dont vous devez vivre votre période creuse. Ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai monté le mécanisme de Nipsen avec Croteau pour que ceux qui ne sont pas capables de voir et de comprendre et de se situer dans leur période creuse, pour que ces gens-là aient des réponses à leurs problèmes qui sont souvent viennent très vite d'une personne qui n'est pas engagée dans l'expérience elle-même. Parce que quand on est dans l'expérience, ça ne vaut pas clair. La question que je me demande, puis j'espère que je vais répondre, c'est celle-ci. C'est est-ce que les gens qui vivront la fusion, d'ailleurs, je n'ai même pas expliqué qu'est-ce que c'est la fusion, on va vous l'expliquer un jour. Est-ce que les gens qui vivront la fusion devront nécessairement vivre la souffrance exiguë du contact entre le double, le mental et l'émotionnel? Je me le demande, ça ne me répond pas. Moi, j'ose penser que non. J'ose penser que c'est pas ou ça sera pas nécessaire à tout le monde qui vivront la fusion de vivre ces expériences-là, qui aura eu préparation au courant d'autres initiations dans d'autres vies sur d'autres planètes, préparant ainsi l'être humain sur le plan matériel à vivre le contact avec le double sans qu'il y ait tout ce chambardement écœurant que crée la fusion. J'ose espérer ça, mais je peux pas vous le dire. Mandez-vous-les. Là, ça me répond, il y aura de l'aide additionnelle à la fin du cycle. De l'aide additionnelle à la fin du cycle. Parce que c'est évident, moi, si je regarde ma situation fusion, j'ai passé 13 ans à vivre des changements vibratoires. J'en vis encore. Je suis fusionné. Donc, c'est évident qu'il n'y a jamais assez de temps dans la vie de l'homme pour que ce travail-là se fasse entre le double et lui s'il n'y a pas fusion. Donc, éventuellement, il faudra qu'il y ait de l'aide additionnelle. Pourquoi est-ce que le double ne se manifeste pas à l'homme? Parce que si le double se manifesterait à l'homme, ce serait le final. Si le double se manifestera à l'homme, ça sera final. Si l'homme n'est pas fusionné et voué son double, c'est final, la souffrance, le travail du mental et de l'émotionnel, le double ne pourra jamais le faire. Pourquoi? Parce que l'homme aura trop vu, il aurait trop vu, il saurait absolument. Donc, quand tu as vu absolument, il n'y en a plus de travail, tu peux passer à travailler n'importe quoi. Mais à ce moment-là, le travail dans le mental et l'émotionnel ne se fait pas. Et c'est ça qui est arrivé dans le passé quand les grands mystiques ont vu. Mais quand ils arrêtaient de voir, ils redevenaient des sans-dessins. Il ne s'agit pas pour l'homme d'être sans-dessins, d'être sans intelligence des lois de l'astral. Il s'agit pour l'homme dans le cycle qui vient de très bien comprendre les lois de l'astral parce que c'est la constitution même de la nouvelle organisation mentale scientifique de l'humanité. L'homme qui connaît les lois de l'astral est automatiquement scientifique. Pourquoi? Parce que s'il connaît les lois de l'astral, il n'y a pas l'émotion qui empêche de connaître les lois de l'astral. S'il n'y a pas d'émotion dans le mental, il est automatiquement dans la conscience cosmique. L'intelligence, c'est bien plus facile d'accès qu'on pense. Mais l'émotion, c'est beaucoup plus enraciné en nous qu'on pense. Mais il faut qu'on le réalise. Il faut qu'on le voit. Mais on ne le voit pas dans les événements qui ne sont pas fracassants. On ne le voit pas, on la voit pas la nature de notre émotivité tant que le double ne crée pas un mur entre notre moi et sa mémoire. Quand le double crée un mur entre le moi et sa mémoire, puis le moi ne peut plus servir de sa mémoire comme avant, puis qu'il est pris avec un problème, puis qu'il n'est pas capable de le résoudre, il voit plus clair. Là. Quand il y a un mur, là, à ce moment-là, on voit. On peut la sentir, notre émotivité. On est des êtres à réflexe, les hommes. On a une réflexologie. Et cette réflexologie, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur notre état émotionnel. Si on était conscient, on aurait instantanément conscience d'un événement qui crée d'habitude une réaction réflexologique, on serait totalement calme dans le trouble créé par cet événement-là dans notre mental, dans nos émotions. On est des êtres réflexologiques. Et on n'est pas capable de discerner. On n'est pas capable de discerner entre ce qui est réellement notre intelligence et ce qui est réellement l'émotion dans notre intelligence. On n'est pas capable de la voir. L'émotion par elle-même, ça marche. T'as bien notre sac là, t'as sans l'émotion. Mais voir l'émotion dans l'intelligence, on n'est pas capable de voir. D'ailleurs, c'est le matériel le plus subtil de l'homme, l'émotion dans l'intelligence. Et c'est seulement le double qui peut faire le travail d'exorciser l'astral de notre intelligence. Si on va dans, encore plus loin dans l'explication du phénomène du double, parce que l'homme, un jour, il faut qu'il connaisse ses origines, il faut qu'on connaisse qu'est-ce que c'est l'être humain de demain. On nous a parlé depuis des siècles que l'homme a un grand soi, que l'homme a des... L'homme est en contact avec des ajusteurs de pensée, que l'homme a une conscience. Je vais vous dire une chose. Un jour, vous devrez réaliser un jour que tant que la dualité, quand même que ce sera une dualité métaphysique, que ce soit l'ajusteur de pensée ou Dieu, n'importe quoi, tant que en vous, il y aura de la dualité, autrement dit, tant que vous ne serez pas capable de vous situer égoïquement dans votre double, vous ne serez pas dans votre intelligence créative et dans votre volonté créative. Autrement dit, si je prends le verre, là, le verre, ça, c'est ce qu'on pense qu'on est, notre centre de gravité est quelque part là-dedans, un jour, il faut que notre centre de gravité soit totalement là, totalement à l'extérieur du verre. Autrement dit, il faut un jour que notre centre de gravité soit totalement à l'extérieur de notre personnalité. Fait que si vous vous regardez, vous autres, vous avez votre Jean-Paul, Jean-Pierre, Jean-Jean, Jean-Bart, Pauline, Monique, vous avez votre patente là, votre capsule. Mais si vous êtes dans votre capsule, vous n'êtes pas dans votre intelligence créative. Et vous n'êtes pas dans votre volonté créative. Il y a de l'émotion dans votre intelligence, autrement dit, votre intelligence est astralisée. Ça se comprend-tu de ce que je dis? Et c'est ça que le double cherche à détruire. Et pour que vous sortiez complètement de votre personnalité, de votre Jean-Paul, il faut que ce qui est mental et ce qui est astral ait été transformé pour créer un autre principe qui est universel que j'appelle le double. Alors, les expériences de votre vie que vous allez vivre, ainsi de suite, ou que vous avez vécu, sont agencées par le double, parfaitement par le double. Puis lorsqu'il est le temps pour lui de faire cette distillation-là, il a fait. Là, c'est là que vous vivez la grande souffrance. Mais c'est là que vous sortez un petit peu de votre Jean-Paul, puis Monique, puis Pauline, puis Pierrette. Vous sortez. Là. Une fois que vous êtes sorti, à ce moment-là, là, vous commencez à prendre conscience de ce que je veux dire quand je parle de l'intelligence, de la volonté. Là, vous êtes en voie de fusion. Le mystère de l'homme, c'est un mystère parce que l'homme ne peut pas comprendre, interpréter sa relation avec le double. Si l'homme pouvait comprendre et interpréter sa relation avec le double, il n'y en aurait aucun mystère de l'homme. Il y aurait une intelligence totale de l'homme sur homme, des êtres qui sont dans des univers parallèles. Si on dit que le double, c'est l'homme cosmique. Normal. Si on dit que le double, c'est l'intelligence cosmique, ça marche. La volonté cosmique, ça marche. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on puisse en arriver à vivre le double dans la matière. Parce que tant qu'on n'est pas arrivé à vivre le double dans la matière, c'est parce qu'il y a encore de l'émotion dans l'intelligence. Donc, le double n'est pas capable de traverser la matière. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de descendre du plan mental, du plan émotionnel, jusqu'au plan vital dont il se sert, lui, pour contrôler la matière. Le corps vital, que certaines écoles ésotériques appellent aussi le double vital, c'est pas le double. Le double est en construction. Pour que le double se construise dans une civilisation sur une planète, il faut qu'il y ait une instruction. S'il n'y a pas d'instruction, le double ne peut pas se construire. On ne peut pas construire un double avec de la spiritualité et de la philosophie. Il faut qu'il y ait un rapport entre l'instruction et l'évolution de l'homme dans ce temps-là. Ça ne peut pas durer des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Donc, si le double n'est pas le corps astral, si le double n'est pas le double vital, qu'est-ce qui est le double? C'est une énergie qui prend contrôle, éventuellement, des principes planétaires inférieurs de l'homme, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan vital et sur le plan physique. C'est ça qui fera que l'homme, demain, après un certain temps dans l'évolution, lorsque l'homme sera entré en contact avec d'autres intelligences, que l'être humain sur la Terre sera un surhomme. Autrement dit, il sera autant extraterrestre que les extraterrestres peuvent être extraterrestres. Autrement dit, il aura contrôle total sur la matière. Et il doit avoir contrôle total sur la matière. Parce que s'il n'y a pas contrôle total sur la matière aura contrôle sur lui par le biais du corps astral, par le biais des sens. Quand je parle de la transformation de l'homme, je parle sur le plan émotionnel et sur le plan mental, parce que ce sont les deux plans qui sont les plus exigeants. Ce sont les deux plans qui sont les plus évolués. De là, plan vital et plan physique, ça fait partie de la même chose aussi. Alors, le coefficient psychologique de la résistance à l'énergie du double contre le mental et l'émotionnel fait partie de la fusion. Donc, quand vous avez des creux, puis les creux, ça peut durer longtemps, des creux, dans le sens qu'il peut y avoir beaucoup de creux pendant bien, bien longtemps, des creux. Si on a éliminé les souffrances totalement inutiles qu'on peut vivre parce qu'on est trop inconscient, et qu'on ne vit que les souffrances qu'on n'a pas de choix de vivre. À ce moment-là, la période de souffrance est diminuée et l'homme peut en arriver à une réalisation au niveau de sa conscience interne à l'intérieur de très peu d'années. Mais on a une conscience animale, les hommes sur la Terre. D'ailleurs, l'homme, c'est un animal très évolué. C'est un animal très évolué, là. Il y a des animaux qui ont un corps mental, qui ont un atome central dans le plan mental. Non. Les chiens, les singes. Dans l'optique de la vision du double, il y a une différence, une dichotomie absolue entre l'homme de la cinquième race et l'homme de la sixième. Il y a une dichotomie absolue. D'ailleurs, pour le double, l'homme de la cinquième race n'est pas un homme. Il n'est qu'un réservoir, qu'une enveloppe à l'intérieur duquel lui peut agir pour rendre ce que nous appelons l'homme de la cinquième race, l'homme inférieur. Le rendre homme supérieur, qu'on appelle le surhomme. Les gens vont à des conférences ou à des des séminaires de toutes les sortes dans le monde. Que l'homme aille dans un séminaire particulier, il ne sait pas. Mais que l'homme aille dans un séminaire particulier, ça fait partie de son plan de vie. Et c'est à l'intérieur de ce plan de vie-là qu'il y a un changement dans la constitution vibratoire du mental et de l'émotionnel humain. Et vous autres, vous faites partie de ça, à une échelle ou à une autre. Autant l'ego, lui, est obligé de se découvrir une position vis-à-vis telle expérience, par exemple, comme le séminaire. Autant le double, si ça fait partie de son temps de fusionner avec l'homme, autant le double le fera, mais à l'insu de l'ego, dans des conditions que lui créera. C'est pour ça d'ailleurs que c'est absolument contre l'intention du double de dire, bon, tel homme ou telle femme font partie du nouveau rayonnement de l'humanité. Parce que, comme il dit, si vous avez un océan et vous avez bien des poissons, vous ne mangez pas tous les poissons. Il y a certains poissons que vous allez pêcher. Donc, les séminaires se donnent dans différents pays du monde. Il y a un certain nombre de poissons qui vont être pêchés par le double. Et ce sont ces poissons-là qui doivent réaliser un jour font partie de la pêche. Il faut que l'homme le sache par lui-même qu'il fait partie de la pêche. Moi, j'ai une réserve très grande. Moi, je suis probablement l'homme sur la Terre qui croit en moins de choses. Je crois en rien. C'est inouï. J'ai un très grand respect pour ce que l'homme a fait, ou ce que l'homme a amené à l'homme, ou ce que l'homme a canalisé vers l'homme ou pour l'homme. Et ce qui me fâche, c'est que les conditions planétaires de l'évolution aujourd'hui traînent encore dans un temps, ou même à l'intérieur du cadre psychologique où moi j'opère dans le monde. De sorte que les hommes ont encore des idées, la Bible dit qu'il y en a tant qui vont être sauvés, puis d'autres textes, il y en a tant qui vont être sauvés. Et toutes les maudites informations qu'on a reçues depuis des millénaires par des psychiques, puis des prophètes, puis des ci, puis des ça. Tout ça! Je n'y crois pas! Je crois à rien! Puis je veux vous amener un jour à comprendre ça, cette affaire-là. Parce qu'aussitôt que tu commences à dire, ah ben il y en a tant qui vont être sauvés, là, soit que tu es témoin de Jéhovah, fait que si tu rentres pas dedans, t'es foutu. T'es d'un autre patente, t'es pas là-dedans, t'es foutu. Autrement dit, toutes les niaiseries, vous comprendrez un jour, vous comprendrez que l'homme, est à la mesure de sa propre destinée. C'est l'homme qui est à la mesure de sa propre destinée. Ce ne sont pas les conventions astrales qui ont servi à lui tracer un chemin spirituel pour soulager son émotivité pendant des siècles où il a vécu des périodes de civilisation très basses. Ma vue de l'évolution, ma vue de la transmutation de l'humanité, c'est une vue qui est beaucoup plus scientifique. Scientifique dans ce sens que je ne laisse aucunement la mémoire de l'humanité influer avec ce que je sais ou ce que je dis. Et c'est probablement là ou dans cette veine-là que je peux apporter à un très grand nombre de personnes, beaucoup plus grand nombre que le nombre qu'on a dans les textes ésotériques, qui nous donne l'idée d'un messianisme ou l'idée d'un choix quelconque. Je suis beaucoup trop conscient du pouvoir des forces de vie sur une planète pour me rendre prisonnier des conneries occultes qu'on a reçues pendant des siècles et qui nous ont endormis et qui nous ont pommadé les fesses pour nous donner l'impression que ou pour canaliser nos vocations spirituelles en fonction de certaines données qui viennent de l'astral. Je suis écœuré de la mémoire de l'humanité. Je suis écœuré de tout ce que l'on a su. Et ma force, elle est là. Ma force, elle est là. Ma force, elle est tellement grande là que tout ce que je rencontre qui est de mémoire de l'humanité, que ce soit à n'importe quel niveau, des maîtres, des maîtresses, je détruis tout et je détruirai tout. Je ne laisserai plus sur le plan matériel de connaissances occultes et ésotériques. Je les détruirai toutes pour ceux qui viendront en contact avec ce que j'ai dit. Ça, c'est évident. C'est évident. La cosmovinie d'Urantia, je vais la mettre à terre. Les doctrines ésotériques d'Héroscois, je vais les mettre à terre. Les sciences cosmiques, je vais les mettre à terre. Je vais tout mettre à terre. Pourquoi? Parce que l'homme doit en arriver un jour à créer sa propre destinée. Et l'homme ne peut pas créer sa propre destinée s'il est attaché à quoi que ce soit qui fait partie du passé, qui fait partie de la mémoire de l'homme, qui fait partie de la mémoire de l'humanité, parce que ça fait partie de l'évolution. Quand vous comprendrez ça, vous comprendrez Bernard Lamoriat. Croteau, c'est peut-être celui qui comprend le plus ça. Qui est le plus libre de ça. Quand je dis, moi, que l'intelligence, c'est infini, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intelligence étant infinie, elle crée les conditions de sa relation avec le cerveau humain. Donc, les conditions de sa relation avec le cerveau humain sont des conditions instantanément créées dans le cerveau humain. Donc, le cerveau humain n'a pas besoin de mémoire. Aucune maudite mémoire. Aucune. C'est pas facile pour nous autres de vivre sans mémoire. Pourquoi? Parce que on n'a pas vécu la distillation du double. On n'a pas vécu le changement vibratoire dans le mental et dans l'émotion qui crée notre mémoire. On n'a pas vécu le vide essentiel. Et le vide que je parle, c'est pas le nirvana des hindous. Puis j'ai pas commencé à parler. Je t'en ai un crisse de bout à dire. Parce que je vais toujours parler anyway. J'en ai un enfant chienne de bout à dire. J'ai pas commencé à parler. Je m'a tout demandé. Tout! Alors, ma conception de l'évolution future de l'humanité, ma conception de la transmutation, ma conception du passage de l'homme d'un plan à un autre, ma conception de la réussite expérimentale, de la fonction organique du biologisme mental des surhommes qui font partie de la conscience planétaire, dont moi je suis un des chefs, sera automatiquement établie selon les conditions de ma voyance dans le monde et non pas selon la condition de la mémoire de l'humanité. Ça, c'est inévitablement absolu. Inévitablement absolu. Je déteste la mémoire. Si vous saviez jusqu'à quel point je déteste la mémoire, vous en auriez un mot de choc. On peut pas, l'homme ne peut pas avoir d'idée de ce que c'est l'intelligence. Parce qu'il n'y a jamais eu d'intelligence sur la Terre. Il y a eu de la connaissance sur la Terre. Il n'y a jamais eu d'intelligence sur la Terre parce que le cycle n'était pas arrivé, on commence. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tremper dans la connaissance qui fait partie de l'impérialisme luciférien sur la conscience planétaire pour endoctriner des millions et des milliards d'individus dans une fonction planétaire qu'on appelle la mort, pour qu'eux puissent continuer à créer dans les mondes atomiques des consciences qui sont totalement barbares et que vous considérez ou que vous vivez, vous, dans vos écrans mentaux comme étant les mondes du bas astral. Un jour, vous me comprendrez. Un jour, vous me comprendrez. Je pleure pas de peine. Je pleure de rage. Parce que j'étais un enragé. Parce que je la vois en maudit la guerre. Vous parlez d'amour pour l'homme? Vous parlez de l'amour des initiés? L'amour que le Nazaréen a parlé pour l'humanité, moi je le vis aujourd'hui, cet amour-là. Je suis probablement le premier homme sur la Terre qui le vit, l'amour que lui parlait il y a 2000 ans. Quand vous vivrez l'amour pour l'homme comme moi je le vis, vous deviendrez vous autres aussi désenragés, d'une autre façon. Et l'enragement, vous allez le vivre à l'intérieur de votre propre conscience en évolution. Des limites évolutives sur, pour l'humanité, il n'y en a pas. Et les hommes qui viendront en contact avec la conscience de l'instruction, ou l'instruction dans le monde, qu'ils soient à Timbuktu, qu'ils soient en Afrique ou qu'ils soient en Europe, les hommes qui seront frappés par la vibration de l'instruction seront automatiquement altérés dans la conscience planétaire. Ils n'ont pas de choix, parce que l'homme ne peut pas refuser ce que je dis. Il peut vibrer. Mais l'homme, un jour, ne peut pas refuser ce que je dis, parce que tous les hommes ont un double en construction. Et ils se construisent sur la Terre aujourd'hui des conditions extraordinaires que nous n'avons jamais su dans le passé vis-à-vis la construction du double. Et je vous assure qu'un jour, en tout cas que mon double, rencontrera tous les hommes de la Terre qui ont la vibration dans le mental, qui fait partie de la connexion entre leur double et leur mentation et leur corps astral. Alors, l'énergie, le transfert de l'énergie, la transposition de l'énergie au cours des années où je vis sur le plan matériel, sera toujours en fonction d'établir de plus en plus de communication avec les hommes pour que de plus en plus ce que j'ai à dire soit perçu par le radio mental de l'homme. Afin que, lorsque viendra le temps de l'éclatement des conditions et des barrières qui s'imposent à notre évolution, que les gens qui auront eu cette vibration puissent comprendre qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'élus qu'on pense. Pour vous donner une sorte... Pour vous donner une sorte de mesure qui peut vous permettre de différencier entre l'intelligence de l'homme d'aujourd'hui, l'homme de l'évolution et l'homme de demain. Peut-être que ça peut vous éclairer l'esprit de savoir que le double ne crée pas de mémoire dans l'homme. Le double ne crée jamais de mémoire dans l'homme. Il ne laisse pas de trace. Autrement dit, un homme qui reçoit du double, il n'y a jamais de trace qui demeure en lui. Moi, j'en suis un exemple. Par contre, lorsque l'homme est inconscient et qu'il reçoit de l'astral, il demeure toujours une trace en lui. Et c'est de cette trace que la mémoire se forme. Et une des grandes expériences qui est assez particulière, par exemple, vis-à-vis de l'instruction, quand vous allez dans un séminaire, par exemple, vous remarquez que c'est difficile après un séminaire de répéter ce que j'ai dit. Parce que le double ne laisse pas de mémoire. Alors, et même si c'est passé de mon double à moi vers vous, la vibration du double est tellement haute que le mental humain n'est pas imprimé. Et ça, c'est une des grandes découvertes de la psychologie supramentale. Une des grandes mesures de la différence entre la conscience supramentale et la conscience mentale de l'homme.